Ok. Tu veux que je revienne et qu'on recommence? Ok. J'ai les mains faites pour l'or et elles sont dans la merde, cognon. Ok. RS7 bleu, petit sac à dos, Dior, cap de jaune, je roule en Faradja comme CR7, je veux des ballons d'or. Un Mercurial, j'arrache la lucarne, faut rester droit, rester en famille. Faut pas te perdre dans la chétanerie et je me rappelle mon petit peu famille. Ça l'écoutait en boucle à la lime, je suis trop laid, ouais. Poser Netflix sur la chaise pliante, elle a trop un visage de poupée. Je l'ai chargé, j'ai le coupé. Y'a peut-être la frappe, allez pas louper. J'ai pris sur la recharge à 50. Okay. Je mets Fendi, G et les claquettes d'or. Okay. On a fait Hella de single d'or. Je mets Fendi, G et claquettes d'or. On a fait Tarpin de disque d'or. La soeur de boîte à 2,50 sur tous mes morts. Elle était pimpante, la suite royale sur un gros bateau. Je vais faire le tour du monde sur les eaux. Un deck qui a les condés en moto. Un gros barrage vers les cadenas. Le sac à dos et les baskets d'or. Normal, on a fait des disques d'or. J'fume la peau violette de l'évêque. Tu veux de la frappe, tu sois au quartier nord. J'fais des queues de poisson à la misère. J'suis cramé comme le rond-point d'Herbel. Comme l'odeur de la beuh des lamelles. J'suis en ND, j'ai fait mon label. J'fais des queues de poisson à la misère. J'suis cramé comme le rond-point d'Herbel. Comme l'odeur de la beuh des lamelles. J'suis en ND, j'ai fait mon label. Non, me parle plus du tien, mon poteau. Là je rôde d'assurer touriste, m'en fous des flics, maintenant c'est le vice. Faut faire tarpène devant dans le cheese. Même les képis sont calibrés, un deck ton tel il avait vu.